Chapitre 8 de « Les dents du tigre » par Maurice Leblanc. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lu par Bidou. Chapitre 8 « La colère de Lupin ». Il demeura un moment immobile, interdit. En haut, il y avait tout un vacarme d'objets bousculés, comme si les deux assiégés se fussent construits une barricade. Mais, à droite de la projection électrique, la clarté confuse du jour pénétra par une ouverture brusquement découverte. Et il avisa devant cette ouverture une silhouette, puis une autre, qui se baissait pour s'enfuir sur les toits. Il braqua son revolver et tira, mais mal, car il pensait à Florence et sa main tremblait. Trois détonations encore retentirent. Les balles crépitaient sur la ferraille de la soupente. Au cinquième coup, il y eut un cri de douleur. Don Luis s'élança de nouveau sur l'échelle. Retardé par l'enchevêtrement des ustensiles, puis par des bottes de colza desséchées, qui formait un véritable rempart, il réussit à la fin, en se meurtrissant et en s'écorchant, à gagner l'ouverture, et fut très étonné, quand il l'eut franchi, de se trouver sur un terre-plein. C'était le sommet du talus, contre lequel la grange était adossée. Au hasard, il descendit le talus à gauche de la grange, et repassa devant la façade du bâtiment, sans voir personne. Alors il remonta par la droite, et bien que le terre-plein fût de proportions exiguës, il le fouilla avec précaution, car dans l'ombre naissante du crépuscule, il pouvait craindre un retour offensif de l'ennemi. Et c'est ainsi qu'il se rendit compte d'une chose qu'il n'avait pas remarquée. Le talus bordait le faîte du mur, qui à cet endroit mesurait bien 5 mètres de hauteur. Sans aucun doute, Gaston Sauvrant et Florence s'étaient enfuis par là. Perenna suivit le faîte, qui était assez large, jusqu'à une partie moins élevée du mur, et là, il sauta dans une bande de terre labourée, située en lisière d'un petit bois, vers lequel les fugitifs avaient dû se sauver. Il en commença l'exploration, mais étant donné l'épaisseur des fourrés, il reconnut aussitôt que c'était perdre son temps que de s'attarder à une vaine poursuite. Il rentra donc au village, tout en songeant aux péripéties de cette nouvelle bataille. Une fois de plus, Florence et son complice avaient tenté de se débarrasser de lui. Une fois de plus, Florence apparaissait au centre de ce réseau d'intrigues criminelles. À l'instant où le hasard apprenait à Don Luis que le bonhomme Langerneau avait été probablement assassiné, à l'instant où le hasard, en l'amenant dans la grange aux pendus, selon son expression, le mettait en face de deux squelettes, Florence surgissait. Vision de meurtre, génie malfaisant que l'on voyait partout où la mort avait passé, partout où il y avait du sang, des cadavres. « Ah, l'horrible créature » murmura-t-il en frémissant. « Est-ce possible qu'elle ait un visage si noble ? Et des yeux dont on ne peut pas oublier la bonté grave, sincère, presque naïve. » Sur la place de l'église, devant l'auberge, Mazerou, de retour, emplissait le réservoir d'essence et allumait les phares. Don Luis avisa le maire de Formigny, qui traversait la place. Il le prit à part. « À propos, monsieur le maire, est-ce que vous avez entendu parler dans la région, il y a peut-être 2 ans, de la disparition d'un ménage âgé de 40 ou 50 ans ? Le mari s'appelait Alfred ? « Et la femme Victorine, n'est-ce pas ?» interrompit le maire. « Je crois bien. L'histoire a fait assez de bruit. C'était des petits rentiers d'Alençon qui ont disparu du jour au lendemain, sans que jamais depuis on ait pu savoir ce qu'ils sont devenus. Pas plus d'ailleurs que leur magot, 20 000 francs qu'ils avaient réalisés la veille sur la vente de leur maison. Si je me rappelle, les époux de dessus la mare. « Je vous remercie, monsieur le maire, » dit Perenna, à qui le renseignement suffisait. L'automobile était prête. Une minute plus tard, il filait sur Alençon, avec Mazerou. « Où allons-nous, patron ?» demanda le brigadier. « À la gare. J'ai tout lieu de croire, premièrement, que Gaston Sauvrant a eu connaissance dès ce matin, comment, nous le saurons un jour ou l'autre, des révélations faites cette nuit par Madame Fauville, relativement au bonhomme Langerneau. Deuxièmement, qu'il est venu rôder aujourd'hui autour du domaine, et dans le domaine du bonhomme Langerneau, pour des motifs que nous saurons également un jour ou l'autre. Or, je suppose qu'il est venu par le train, et que c'est par le train qu'il s'en retourne. » La supposition de Perenna reçut une confirmation immédiate. À la gare, on lui dit qu'un monsieur et une dame étaient arrivés de Paris à 2 heures, qu'ils avaient loué un cabriolet à l'hôtel voisin, et que, leurs affaires finies, ils venaient de reprendre l'express de 7h40. Le signalement de ce monsieur et de cette dame correspondait exactement à celui de Sauvrant et de Florence. « En route !» dit Perenna après avoir consulté l'horaire. « Nous avons 1 heure de retard. Il est possible que nous soyons au Mans avant le bandit. Nous y serons, patron, et nous le mettrons la main au collet, je vous le jure. à lui et à sa dame, puisqu'ils sont deux. Ils sont deux, en effet. Seulement, Don Luis attendit pour répondre qu'ils eussent pris place et que le moteur fût lancé, et il prononça « Seulement, mon petit, tu laisseras la dame tranquille. Et pourquoi ça ? As-tu un mandat contre elle ? Non. Alors fiche-nous la paix. Cependant, une parole de plus, Alexandre, et je te dépose sur le bord du chemin. Tu opéreras alors toutes les arrestations qui te plairont. » Masrou ne souffla plus mot. D'ailleurs, la vitesse à laquelle ils marchèrent tout de suite ne lui laissa guère de loisir pour protester. Assez inquiet, il ne songeait qu'à scruter l'horizon et à prévenir les obstacles. De chaque côté, les arbres s'évanouissaient à peine entrevus. Au-dessus, leur feuillage faisait un bruit rythmé de vagues qui mugissent. Des bêtes de nuit s'affolaient dans la lumière des phares. Masrou risqua. « Nous arriverons tout de même. Inutile d'en mettre davantage. » L'allure augmenta. Il se tut. Des villages, des plaines, des collines. Et puis, soudain, au milieu des ténèbres, la clarté d'une grande ville, Le Mans. « Tu sais où est la gare, Alexandre ?»« Oui, patron, à droite. Et puis, tout droit devant nous. » Bien entendu, c'était à gauche qu'il eut fallu tourner. Ils perdirent 7 à 8 minutes à errer dans des rues où on leur donnait des renseignements contradictoires. Quand l'auto stoppa devant la station, le train sifflait. Don Luis sauta de voiture, se roula dans les salles, trouva les portes closes, bouscula des employés qui voulaient le retenir et parvint sur le quai. Un train allait partir, 2 voies plus loin. On fermait la dernière portière. Il courut le long des wagons en s'accrochant aux barres de cuivre. « Votre billet, monsieur, vous n'avez pas de billet !» cria un employé d'un ton furieux. Don Luis continuait sa voltige sur les marchepieds, lançant un coup d'œil à travers les vitres, repoussant les personnes dont la présence aux fenêtres le pouvait gêner, tout prêt à envahir le compartiment où se tenaient les deux complices. Il ne les vit pas dans les dernières voitures. Le train s'ébranlait. Et soudain, il jeta un cri. Ils étaient là, tous deux, seuls. Il les avait vus, ils étaient là. Florence, étendue sur la banquette, sa tête appuyée contre l'épaule de Gaston Sauvran, et celui-ci penché sur elle, ses 2 bras autour de la jeune fille. Fou de rage, il leva le loquet de cuivre et saisit la poignée. Au même instant, il perdit l'équilibre, tiré par l'employé furieux et par Masrou qui s'égosillait. « Mais c'est de la folie, patron! Vous allez vous faire écraser !»« Imbécile !» hurla Don Luis. « Ce sont eux! Lâchez-moi donc !» Les wagons défilaient. Il voulut sauter sur un autre marchepied. Mais les 2 hommes se cramponnaient à lui. Des facteurs s'interposaient. Le chef de gare accourait, le train s'éloigna. « Idiot » proféra-t-il. « Butor, tas de brutes! Vous ne pouvez pas me laisser !»« Ah, je vous jure, Dieu !» D'un coup de son poing gauche, il abattit l'employé. D'un coup de son poing droit, il renversa Masrou. Et se débarrassant des facteurs et du chef de gare, il s'élança sur le quai jusqu'à la salle des bagages, où, en quelques bonds, il franchit plusieurs groupes de malles, de caisses et de valises. « Ah, la triple buse » mâchonna-t-il, en constatant que Masrou avait eu le soin d'éteindre le moteur de l'automobile. « Quand il y a une bêtise à faire, il ne la rate pas. » Si Don Luis avait conduit sa voiture à belle vitesse dans la journée, ce soir-là, ce fut vertigineux. Une véritable trombe traversa les faubourgs du Mans et se précipita sur les grandes routes. Il n'avait qu'une idée, qu'un but. Arriver à la prochaine station, qui était Chartres, avant les 2 complices, et sauter à la gorge de Sauvran. Il ne voyait que cela, l'étreinte sauvage qui ferait râler, entre ses 2 mains, l'amant de Florence Levasseur. « son amant » grinçait-il. « Eh, parbleu, oui, comme ça, tout s'explique !» Ils se sont ligués tous les deux contre leur complice, Marie-Anne Fauville. Et c'est la malheureuse qui paiera seule l'effroyable série de crimes. Est-elle leur complice, même ? Qui sait ? Qui sait si ce couple de démons n'est pas capable, après avoir tué l'ingénieur Fauville et son fils, d'avoir machiné la perte de Marianne, dernier obstacle qui les séparait de l'héritage Mornington? Pourquoi pas? Est-ce que tout ne concorde pas avec cette hypothèse? Est-ce que la liste des dates n'a pas été trouvée par moi, dans un volume appartenant à Florence? Est-ce que la réalité ne prouve pas que les lettres ont été communiquées par Florence? Ces lettres accusent aussi Gaston Sauvran. Qu'importe! Il n'aime plus Marianne, mais Florence. Et Florence l'aime. Elle est sa complice, sa conseillère. Celle qui vivra près de lui et qui jouira de sa fortune. Parfois, certes, elle a fait de défendre Marianne. Cabotinage, ou peut-être remords, effarement à l'idée de tout ce qu'elle a fait contre sa rivale et du sort qui attend la malheureuse. Mais elle aime Sauvran. Et elle continue la lutte sans pitié, sans repos. Et c'est pour cela qu'elle a voulu me tuer, moi, l'intrus, moi dont elle craignait la clairvoyance. Et elle m'exècre, et elle me hait. » Dans le ronflement du moteur, dans le sifflement des arbres qui s'abattaient à leur rencontre, il murmura des paroles incohérentes. Le souvenir de deux amants, tendrement enlacés, le faisait crier de jalousie. Il voulait se venger. Pour la première fois, l'envie, la volonté du meurtre, bouillonnait en son cerveau tumultueux. « Nom d'un chien » gronda-t-il tout à coup. « Le moteur a dératé. Mazrou !»« Hein ? Quoi, patron ? Vous saviez donc que j'étais là ?» vociféra Mazrou en jaillissant de l'ombre où il se tenait enfoui. « Crétin ! T'imagines-tu que le premier imbécile venu puisse s'accrocher au marchepied de ma voiture sans que je m'en aperçoive ? Tu dois être à ton aise là-dessus. À la torture, et je grelotte. Tant mieux, ça t'apprendra. Dis donc, où as-tu acheté ton essence ? Chez l'épicier. Chez un voleur. C'est de la saleté, les bougies s'encrassent. Vous êtes sûr ? Et les ratés, tu ne les entends pas, idiot ? » L'auto semblait hésiter, en effet, par moments. Puis tout redevint normal. Don Luis força l'allure. En descendant les côtes, ils avaient l'air de se jeter dans des abîmes. Un des phares s'éteignit. L'autre n'avait pas sa clarté coutumière. Mais rien ne diminuait l'ardeur de Don Luis. Il y eut encore des ratés, une nouvelle hésitation, puis des efforts, comme si le moteur s'acharnait courageusement à faire son devoir. Et puis ce fut brusquement l'impuissance définitive, l'arrêt le long de la route, la panne stupide. « Nom de Dieu !» hurla Don Luis. « Nous y sommes ! Ah, ça, c'est le comble !»« Voyons, patron, on va réparer. Et l'on cueillera le sauverant à Paris, au lieu de Chartres. Voilà tout. Triple imbécile ! Il y en a pour une heure, et puis après, ça recommencera. Ce n'est pas de l'essence qu'on t'a collé, c'est de la crasse. » Autour d'eux, la campagne s'étendait à l'infini, sans autre lumière que les étoiles qui criblaient les ténèbres du ciel. Don Luis piétinait de rage. Il eût voulu casser l'auto à coups de pied. Il eût voulu... C'est Mazrou qui encaissa, selon l'expression du malheureux brigadier. Don Luis l'empoigna aux épaules, le secoua, l'agonie d'injures et de sottises. Et finalement, le renversant contre le talus, lui dit « D'une voix entrecoupée, tour à tour haineuse et douloureuse. « C'est elle, tu entends, Mazrou. C'est la compagne de Sauvran qui a tout fait. Je te le dis tout de suite, parce que j'ai peur de faiblir. Oui, je suis lâche. Elle a un visage si grave et des yeux d'enfant. Mais c'est elle, Mazrou. Elle habite chez moi. Rappelle-toi son nom, Florence Levasseur. Tu l'arrêteras, n'est-ce pas ? Moi, je ne pourrais pas. Je n'ai pas de courage quand je la regarde. » C'est que jamais je n'ai aimé. Les autres femmes, non, c'était des caprices. Même pas, je ne me souviens même pas du passé. Tandis que Florence, il faut l'arrêter, Mazrou. Il faut me délivrer de ses yeux. Il me brûle, c'est du poison. Si tu ne me délivres pas, je la tuerai comme Dolores. Ou bien on me tuera, ou bien... Oh, je ne sais pas toutes les idées qui me déchirent. C'est qu'il y a un autre homme, il y a Sauvran qu'elle aime. Ah, les misérables. Ils ont tué Fauville, et l'enfant, et le vieux Langarneau, et les deux autres dans la grange, et d'autres, Cosmo Mornington, Véro, et d'autres encore. Ce sont des monstres, elle surtout. Et si tu voyais ses yeux ? Il parlait si bas que Mazrou l'entendait à peine. Son étreinte s'était desserrée, et il semblait terrassé par un désespoir qui surprenait chez cet homme si prodigieux d'énergie et de maîtrise. « Allons, patron, » dit le brigadier en le relevant. Tout ça, c'est du chichi. Des histoires de femmes, je connais ça. J'y ai passé comme tout un chacun. Madame Mazrou ? Mon Dieu, oui. Pendant votre absence, je me suis marié. Eh bien, Madame Mazrou n'a pas été ce qu'elle aurait dû être. J'ai beaucoup souffert. Madame Mazrou ! Il l'amenait tout doucement vers la voiture et l'installait sur la banquette du fond. Reposez-vous, patron. La nuit n'est pas trop froide et les fourrures ne manquent pas. Le premier paysan qui passe, au petit matin, je l'envoie chercher ce qu'il nous faut à la ville voisine. Et des provisions aussi, car je meurs de faim. Et tout s'arrangera. Tout s'arrange avec les femmes. Il suffit de les ficher à la porte de sa vie. À moins qu'elle ne prenne les devants elle-même. Ainsi, Madame Mazrou... Don Luis ne devait jamais savoir ce que Madame Mazrou était devenue. Les crises les plus violentes n'avaient pas le moindre retentissement sur la paix de son sommeil. Il s'endormit, presque aussitôt. Il était tard le lendemain quand il se réveilla. À 7 heures du matin seulement, Mazrou avait pu héler un cycliste qui filait vers Chartres. À 9 heures, il partait. Don Luis avait repris tout son sang-froid. Il dit au brigadier « J'ai lâché des tas de sottises cette nuit. Je ne les regrette pas. Non, mon devoir est de tout faire pour sauver Madame Fauville. et pour atteindre la vraie coupable. Seulement, c'est à moi que cette tâche-là incombe. Et je te jure que je n'y faillirai pas. Ce soir, Florence Levasseur couchera au dépôt. Je vous y aiderai, patron, répondit Mazeroux d'une voix singulière. Je n'ai besoin de personne. Si tu touches à un seul cheveu de sa tête, je te démolis, c'est convenu ? Oui, patron. Donc, tiens-toi tranquille. Sa colère revenait peu à peu, et se traduisait par une accélération de vitesse, qui semblait à Mazeroux une vengeance exercée contre lui. On brûla le pavé de Chartres. Rambouillet, Chevreuse, Versailles eurent la vision effrayante d'un bolide qui les traversait de part en part. Saint-Cloud, le bois de Boulogne. Sur la place de la Concorde, comme l'auto se dirigeait vers les Tuileries, Mazeroux objecta. « Vous ne rentrez pas chez vous, patron ?»« Non, d'abord le plus pressé. Il faut soustraire Marianne Fauville à son obsession de suicide, en lui faisant dire qu'on a découvert les coupables. Et alors ?»« Alors je veux voir le préfet de police. Monsieur Desmalions est absent et ne rentre que cet après-midi. En ce cas, le juge d'instruction. Il n'arrivera au palais qu'à midi et il est 11 heures. Nous verrons bien. » Mazeroux avait raison. Il n'y avait personne au palais de justice. Don Luis déjeuna aux environs et Mazeroux, après avoir passé à la sûreté, vint le rechercher et le conduisit dans le couloir des juges. Son agitation, son inquiétude extraordinaire ne pouvaient échapper à Mazeroux qui lui demanda « Vous êtes toujours décidé, patron ?»« Plus que jamais. En déjeunant, j'ai lu les journaux. Marianne Fauville, que l'on avait envoyée à l'infirmerie à la suite de sa seconde tentative, a encore essayé de se casser la tête contre les murs de la chambre. On lui a mis la camisole de force, mais elle refuse toute nourriture. Mon devoir est de la sauver. Comment ? En livrant la vraie coupable. J'avertis le juge d'instruction et ce soir, je vous amène Florence Levasseur, morte ou vive. Et Sauvran ? Sauvran, ça ne tardera pas. À moins ? À moins ? À moins que je ne l'exécute moi-même, le forban. Patron, la barbe ! Il y avait près d'eux des journalistes qui venaient aux informations. On le reconnut, il leur dit. Vous pouvez annoncer, messieurs, que, à partir d'aujourd'hui, je prends la défense de Marianne Fauville et me consacre entièrement à sa cause. On se récria. N'était-ce pas lui qui avait fait arrêter Madame Fauville ? N'était-ce pas lui qui avait réuni contre elle un faisceau de preuves irrécusables ? Ces preuves, dit-il, je les détruirai une à une. Marianne Fauville est la victime de misérables qui ont ourdi contre elle la plus diabolique des machinations et que je suis sur le point de livrer à la justice. Mais les dents, l'empreinte des dents, coïncidence, coïncidence inouïe, mais qui m'apparaît aujourd'hui comme la preuve d'innocence la plus forte. Je mets en fait que si Marianne Fauville avait été assez habile pour commettre tous ses crimes, elle l'eût été également pour ne pas laisser derrière elle un fruit marqué par la double marque de ses dents. Néanmoins, elle est innocente, et c'est cela que je vais dire au juge d'instruction. Il faut qu'on la prévienne des efforts tentés en sa faveur. Il faut qu'on lui donne tout de suite de l'espoir. Sinon, la malheureuse se tuera. Et sa mort pèsera sur tous ceux qui auront accusé une innocente. Il faut... À ce moment, il s'interrompit. Ses yeux s'étaient fixés sur un des journalistes qui, un peu à l'écart, l'écoutait en prenant des notes. Il dit tout bas à Mazeroux. « Est-ce que tu pourrais savoir le nom de ce type-là ? Je ne sais où diable je l'ai rencontré. » Mais un huissier avait ouvert la porte du juge d'instruction, lequel, sur la présentation de la carte de Perenna, désirait le voir aussitôt. Il s'avança donc et allait entrer dans le bureau, ainsi que Mazeroux, lorsqu'il se retourna brusquement vers son compagnon avec un cri de fureur. « C'est lui ! C'est Sauvran qui était là, camouflé ! Arrêtez-le ! Il vient de se défiler ! Mais courez donc !» Lui-même, il s'élança, suivi de Mazeroux, des gardes et des journalistes. Il ne tarda pas du reste à les distancer tous, de telle façon que, 3 minutes après, il n'entendit plus personne derrière lui. Il avait dégringolé l'escalier de la souricière et franchi le souterrain qui fait passer d'une cour à l'autre. Là, 2 personnes lui affirmèrent avoir rencontré un homme qui marchait à vive allure. La piste était fausse, il s'en rendit compte, chercha à perdre du temps et réussit à établir que Sauvran s'était enfui par le couloir du palais et qu'il avait rejoint sur le quai de l'horloge une femme blonde, très jolie, Florence Levasseur évidemment. Tous deux étaient montés dans l'autobus qui va de la place Saint-Michel à la gare Saint-Lazare. Don Luis revint vers une petite rue isolée où il avait laissé son automobile sous la surveillance d'un gamin. Il mit le moteur en mouvement et, à toute vitesse, gagna la gare Saint-Lazare. Du bureau de l'autobus, il partit sur une nouvelle piste qui se trouva mauvaise, perdit encore plus d'une heure, revint à la gare et finit par acquérir la certitude que Florence était montée seule dans un autobus qui l'emmenait vers la place du Palais Bourbon. Ainsi donc, et contre toute attente, la jeune fille devait être rentrée. L'idée de la revoir surexcita sa colère. Tout en suivant la rue Royale et en traversant la place de la Concorde, il bredouillait des paroles de vengeance et des menaces qu'il avait hâte de mettre à exécution. Et il outrageait Florence, et il la cinglait de ses injures. Et c'était un besoin âpre et douloureux de faire du mal à la vilaine créature. Mais arrivé à la place du Palais Bourbon, il s'arrêta net. D'un coup, son œil exercé avait compté, de droite et de gauche, une demi-douzaine d'individus dont il était impossible de méconnaître les allures professionnelles. Et Masrou, qui l'avait aperçu, venait de pivoter sur lui-même et se dissimulait sous une porte cochère. Il l'appela. « Masrou ?» Le brigadier parut très surpris d'entendre son nom et s'approcha de la voiture. « Tiens, le patron !» Sa figure exprimait une telle gêne que Don Luis sentit ses craintes se préciser. « Dis donc, ce n'est pas pour moi que tes hommes et toi faites le pied de grue devant mon hôtel ?»« En voilà une idée, patron !» répondit Masrou d'un air embarrassé. « Vous savez bien que vous êtes en faveur, vous !» Don Luis sursauta. Il comprenait. Masrou l'avait trahi. Autant pour obéir aux scrupules de sa conscience que pour soustraire le patron au danger d'une passion funeste, Masrou avait dénoncé Florence Levasseur. Il crispa les poings, dans un effort de tout son être, pour étouffer la rage qui bouillonnait en lui. Le coup était terrible. Il avait l'intuition subite de toutes les fautes auxquelles la démence de la jalousie l'avait entraîné depuis la veille, et le pressentiment de ce qui pouvait en résulter d'irréparable. La direction des événements lui échappait. « Tu as le mandat » dit-il. Masrou balbutia. « C'est bien par hasard. J'ai rencontré le préfet qui était de retour. On s'est expliqué sur cette affaire de la demoiselle. Et voilà justement que l'on a découvert que cette photographie, vous savez, la photographie de Florence, le Vasseur, que le préfet vous avait confiée, eh bien, on a découvert que vous l'aviez maquillée. Alors quand j'ai dit le nom de Florence, le préfet s'est souvenu que c'était ce nom-là. « Tu as le mandat ?» répéta Don Luis d'un ton plus âpre. « Dame, n'est-ce pas? Il a bien fallu, monsieur Desmalions, le juge !» Si la place du Palais Bourbon avait été déserte, Don Luis se fût certainement soulagé, sur le menton de Masrou, d'un swing, envoyé selon les règles de l'art. D'ailleurs, Masrou prévoyait cette éventualité, car il se tenait prudemment aussi loin que possible, et pour apaiser le courroux du patron, débitait toute une kyrielle d'excuses. « C'est pour votre bien, patron, il le fallait, pensez donc, vous me l'aviez ordonné !» « Débarrasse-moi cette créature, moi je suis trop lâche. Tu l'arrêteras, n'est-ce pas? Ses yeux me brûlent, c'est du poison. »« Alors, patron, pouvais-je faire autrement? Non, n'est-ce pas? D'autant plus que le sous-chef Weber... »« Ah, Weber est au courant. »« Dame, oui, le préfet se méfie un peu de vous, maintenant que le maquillage du portrait est connu. Alors Weber va rappliquer, dans une heure peut-être, avec du renfort. » Je disais donc que le sous-chef venait d'apprendre que la femme qui allait chez Gaston Sauvran, à Neuilly, vous savez, dans la maison de boulevard Richard Wallace, était blonde, très jolie et qu'elle s'appelait Florence. Elle y restait même quelquefois la nuit. « Tu mens, tu mens !» grinça Perenna. Toute sa haine remontait en lui. Il avait poursuivi Florence avec des intentions qu'il n'aurait pu formuler. Et voilà tout à coup qu'il voulait la perdre de nouveau, et consciemment cette fois. En réalité, il ne savait plus ce qu'il faisait. Il agissait au hasard, tour à tour ballotté par les passions les plus diverses, en proie à cet amour désordonné qui nous pousse aussi bien à égorger l'être que nous aimons qu'à mourir pour son salut. Un camelot passa, qui vendait une édition spéciale du journal de Mehdi, où il put lire en gros caractères « Déclaration de Don Luis Perenna. Madame Fauville sera innocente. Arrestation imminente des coupables. »« Oui, oui, » fit-il à haute voix. Le drame touche à sa fin. Florence a payé sa dette. Tant pis pour elle. » Il remit sa voiture en marche et franchit le seuil de la grande porte. Dans la cour, il dit à son chauffeur qui se présentait « Faites tourner l'auto et ne la remisez pas. Je peux repartir d'un moment à l'autre. » Il sauta du siège et interpellant le maître d'hôtel. « Mademoiselle Levasseur est ici ?»« Oui, monsieur, dans son appartement. » »« Elle s'est absentée hier, n'est-ce pas ?»« Oui, monsieur. » »« Au reçu d'une dépêche qu'il a demandée en province, auprès d'un parent malade. Elle est revenue cette nuit. » « J'ai à lui parler, envoyez-la moi, je l'attends. »« Dans le cabinet de travail de monsieur ?»« Non, en haut, dans le boudoir, auprès de ma chambre. » C'était une petite pièce du deuxième étage, jadis boudoir de femme, et qu'il préférait à son cabinet de travail, depuis les tentatives de meurtre dont il avait été l'objet. Il était plus tranquille, plus à l'écart. Et il y cachait ses papiers importants. La clé ne le quittait pas. Une clé spéciale à triple rainure et à ressort intérieur. Masrou l'avait suivi dans la cour et s'attachait à ses pas, sans que Perrena, jusqu'ici, parût s'en rendre compte. Il prit le brigadier par le bras et l'entraîna vers le perron. « Tout va bien. Je redoutais que Florence, soupçonnant quelque chose, ne fût pas rentrée. Mais sans doute, ne pense-t-elle point que je l'ai vue hier. Maintenant, elle ne peut nous échapper. » Ils traversèrent le vestibule, puis montèrent au premier étage. Masrou se frotta les mains. « Vous voilà donc raisonnable, patron. En tout cas, me voilà résolu. Je ne veux pas, tu entends, je ne veux pas que Madame Fauville se tue. Et puisqu'il n'y a qu'un seul moyen d'empêcher cette catastrophe, je sacrifie Florence. Sans chagrin, sans remords. Donc vous me pardonnez ? Je te remercie. » Nettement, puissamment, il lui appliqua son poing sous le menton. Sans un gémissement, Masrou tomba, évanoui, sur les marches du second étage. Il y avait au milieu de l'escalier un réduit obscur qui servait de débarras, et où les domestiques rangeaient les ustensiles de ménage et le linge-châle. Don Louis s'y porta Masrou, et l'ayant assis confortablement par terre, le dos appuyé à un coffre, il lui enfonça son mouchoir dans la bouche, le bâillonna avec une serviette et lui lia les chevilles et les poignets avec deux nappes, dont les autres bouts furent fixés à des clous solides. Comme Masrou sortait de son engourdissement, il lui dit « Je crois que tu as tout ce qu'il te faut, nappe, serviette, une poire dans la bouche pour apaiser ta faim, mange tranquillement, pars là-dessus une petite sieste, et tu seras frais comme une rose. » Il l'enferma, puis consultant sa montre, « J'ai une heure devant moi, c'est parfait. » À 7 minutes, son intention était celle-ci. Injurier Florence, lui cracher à la figure toutes ses infamies et tous ses crimes, et par là même, obtenir d'elle des aveux écrits et signés. Après, le salut de Marianne étant assuré, il verrait. Peut-être jetterait-il Florence au fond de son auto et l'emporterait-il vers quelque refuge où, la jeune fille lui servant d'otage, il pèserait sur la justice. Peut-être. Mais il ne cherchait pas à prévoir les événements. Ce qu'il voulait, c'était l'explication, immédiate, violente. Il avait couru jusqu'à sa chambre, au second étage. Il s'y plongea la figure dans l'eau froide. Jamais il n'avait éprouvé une pareille excitation de tout son être. Un pareil déchaînement de ses instincts aveugles. « C'est elle, je l'entends, » balbutia-t-il. « Elle est au bas de l'escalier. Enfin, quelle volupté de la tenir devant moi, face à face, tous deux, seuls. » Il était revenu sur le palier, devant le boudoir. Il tira la clé de sa poche. La porte s'ouvrit. Il poussa un cri terrible. Gaston Sauvran était là, dans la chambre close, debout, les bras croisés. Gaston Sauvran l'attendait. Fin du chapitre 8.